assis sur un lit. Une pièce 24 mètres carrés, j'observe mon propre corps, réalise que j'ai merdé. Immobile, nourri uniquement par perfusion, mon corps squelettique est choquant pour ma vision. Je me questionne et ressasse tous mes souvenirs. Cet état critique vient bouleverser mon avenir. Autour de moi les visages s'entassent et les larmes coulent à flot. L'espoir que je me réveille s'efface à petit feu. C'est fou de voir aussi à quel point les temps changent. Les gens changent quand dans un profond coma je plonge. Les années passent et le temps s'écoule. La tristesse demeure et ma famille a les boules. De voir un fils bloqué dans un état de légumes, renforçant autour de lui dépression et amertume. Je ne pensais pas que tout se déroulerait ainsi. Je ne pensais pas partir sans même dire merci. Les regrets envahissent mes plus profondes pensées. Maintenant j'aimerais tendre la main aux anges et avancer. À demi-conscient, entre la vie et la mort, nos vies ne sont que des bougies qui s'allument et s'éteignent. Est-ce le diable ou l'éternel qui jugera de mon sort? Le hasard veut mon départ quand les cœurs saignent. À demi-conscient, entre la vie et la mort, nos vies ne sont que des bougies qui s'allument et s'éteignent. Est-ce le diable ou l'éternel qui jugera de mon sort? Le hasard veut mon départ quand les cœurs saignent. Toujours en proie à une tentation devenue chronique, j'ai toujours eu la main tendue vers des formes coniques. Rêveur, depuis tout gosse, je roule ma bosse, observe les costards stylés signés Hugo Boss. Je ne voulais plus entendre les sirènes mais voir l'océan, mais mon portefeuille béant ne me mène qu'au néant. Donc la vie facile te tente, te hante. Sur cette question je n'étais pas loin à la détente. Donc le choix était fait, j'ai stoppé l'école, les cours pour mes larcins, pour écouter la bonne parole, j'étais sourd. Tout le monde était d'accord, ce monde n'était pas le mien. Je voulais être un homme mais au final je n'étais rien. Solution soi-disant, braquage facile. Là où la chance se barre le temps d'un battement de cils, je suis tombé dedans, me voilà sur un lit d'hôpital. Une bavure a fait de moi ce corps inanimé dans la salle. Je veux partir, les médecins sont sceptiques sur mon état. Il me suffirait que d'une pression pour que mon cœur s'éteigne. À demi-conscient, entre la vie et la mort, nos vies ne sont que des bougies qui s'allument et s'éteignent. Est-ce le diable ou l'éternel qui jugera de mon sort? Le hasard veut mon départ quand les cœurs saignent. À demi-conscient, entre la vie et la mort, nos vies ne sont que des bougies qui s'allument et s'éteignent. Est-ce le diable ou l'éternel qui jugera de mon sort? Le hasard veut mon départ quand les cœurs saignent. Quand les cœurs saignent. À demi-conscient. Quand les cœurs saignent. Entre la vie et la mort. Quand les cœurs saignent. Quand les cœurs saignent. À demi-conscient. Entre la vie et la mort.